Bonjour. Le médecin, il disait qu'il fallait que je me repose. Fait que j'essaye de me reposer. Donc, bon, je me lève un peu plus tard. Je regarde ici et là des choses. J'essaie de rien faire de trop. Là, j'ai vu quelque chose. Bon, à un moment donné, je me promène. Puis je vois que chez Glenn, il y avait Pierre Riopel. Comme c'est quelqu'un que j'apprécie, je me suis dit, bon, ben, je vais l'écouter. Puis là, j'écoutais. Bon, j'ai rien à redire là, par rapport à M. Riopelle. Mais là, c'est quoi, là? Glenn s'est rendu qu'il fait la promotion de Nassim Haramein. Puis là, il va publier de quoi avec, puis tout. Là, ça m'a mis le fou au cul, ben franchement, là. Ben franchement. Le physicien autodidacte. Nassim Haramein. S'il a réellement les connaissances qu'il prétend, il peut aller dans des universités puis demander de passer un concours des tests de compétences pour au moins avoir un papier après qui démontre que oui. Hein? Moi, je suis pas physicien, techniquement, je suis maître saucier grillardin de formation, mais bon, moi j'ai le papier pour le prouver. Hein? Là, c'est parce que là, l'affaire, c'est que. Là, la grosse mode, la pogne, l'affaire pour faire de l'argent. Vous vous souvenez, là, il y a un petit peu plus de 10 ans, c'était le secret, puis les lois de, bon, la métaphysique, dans le fond, populaire, ce que j'appellerais populaire. Ça pogne tout le temps. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent croire au merveilleux. Ils veulent croire au merveilleux. Mais là, de mêler quelque chose comme Bernard avec des affaires comme. Nassim Haramein. Là, la mode en ce moment, c'est plus le secret, puis le secret du secret. Là, c'est les tachyons, puis les affaires quantiques, les gugus quantiques. C'est la grosse mode chez les gens qui ont besoin de merveilleux. Qui ont besoin de merveilleux. Puis Nassim Haramein, c'est cristaux quantiques qui vend à 900 euros. Moi, je considère que c'est de la fraude, là. Je suis désolé. Puis, ce qui se ressemble, ça sent. Moi, je peux pas faire autrement qu'en déduire ça, là. Je parle pas Monsieur Riopelle, là, mais Monsieur Glenn, là, ça commence à faire dur, là. Nassim Haramein, moi, je pense il va finir par faire un séjour en prison, pas le choix. Hein? Même, je dirais, c'est évident, il va finir à un moment donné par y aller. Puis bon, je sais pas, la prison, c'est un milieu. Puis. Comme je l'avais écrit en commentaire, mais je soupçonne que bon, ça a été enlevé tout de suite, puis peut-être que M. Glenn, il le verra pas. C'est toujours spécial, certains types de personnes, une fois qu'ils sont en prison, leurs premiers appels qu'ils font de la prison. Les appels paniqués, là. Mais paniqués pas à peu près, hein? J'en ai vraiment plein le cul d'entendre parler de les petits guéris comme. Vraiment, je suis plus capable. Vous le savez, dans le fond, ce qu'il y a en arrière de ça. Hein? Ben, c'est ses dieux, lui, c'est ses amis. C'est un professeur, c'est-à-dire un éducateur. On a tellement été éduqués dans cette province-là qu'aujourd'hui, on est une belle masse informe d'aplaventerie. Puis ça me met pas de bonne humeur de penser que peut-être dans le futur, on va être obligé de faire la guerre à la place de du monde qui sont pas belliqueux parce qu'ils veulent du contact avec des extraterrestres. Hein, fait qu'il va falloir faire la guerre à leur place. Puis ça va être un hostie de poids. Même des ennemis quelque part. Ben oui, ils prennent l'ennemi pour des amis. Moi, ça me. Je suis plus capable, je suis tanné. Puis là, l'affaire Nassim Haramein, je m'excuse, là, mais au niveau de ses prétentions, s'il pouvait démontrer qu'il y a réellement les connaissances qu'il dit au niveau des institutions universitaires, c'est faisable. Puis là, ses adeptes, là, ça fait des années qu'ils disent qu'il va gagner le prix Nobel, va gagner le prix Nobel, va gagner le prix Nobel. Il ne gagnera jamais le prix Nobel. Puis ces cristaux quantiques qui valent 900 euros, ils s'émirichent sur quoi? Sur la naïveté du monde qui veulent croire au merveilleux. C'est comme les chambres tachyoniques puis ces affaires-là, tant qu'à moi. C'est tout de l'hostie de marde. C'est la nouvelle mode. C'est la nouvelle mode pour exploiter les gogos. Comment voulez-vous que je voie ça autrement? Bon, moi j'ai produit des pierres, des calculs rénaux. Je peux vous les vendre si vous voulez à 900 euros. Mais je vais avoir l'honnêteté de vous dire que ça change rien, puis que ça n'a pas de pouvoir, puis que ça fera rien, ça là. Puis que c'est au niveau d'un support, puis de la conviction que vous mettez dedans, que ça peut avoir un effet. Mais ça vient pas de la. Non, puis lui, il ramasse l'argent. Il ramasse l'argent en vendant du vent. Du vent? C'est sûr que quand on a une grosse conviction puissante par rapport à un support, ben des fois, ça a des effets. Mais l'effet, il vient de vous, il vient de votre perception, il vient de votre mode de vision, de votre façon de voir, il vient pas de l'objet. C'est une pogne, là. Il y en a, ils vont vous vendre des intermédiaires inutiles, des objets qui servent à rien, au fond. Pourquoi? Parce que comme dans le temps du chamanisme, ben, en tant qu'individu, on n'a pas la volonté d'opérer à partir de soi-même. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo qui disait, vous êtes votre propre cristal. Pas besoin d'aller acheter des petites roches dans des magasins Nouvel Âge de bonne femme. C'est ça, c'est de la business, ça s'appelle. Puis Glenn, moi, je le considère comme un businessman à cette heure. Puis je pense qu'il y a un plan marketing, probablement lié à sa retraite. Puis quelque part, il y a des revenus, puis c'est ça le but. Parce que c'est trop contradictoire. C'est trop contradictoire. C'est comme tu me fais une émission, puis là, tu me parles, je sais pas, moi, vous me parlez d'un grand mystique chrétien, parce que vous savez qu'il pogne, puis qu'il a du charisme, puis que le monde l'aime. Puis dans la même émission, tout d'un coup, là, vous me feriez la promotion d'Anton LaVey. Hein? C'est parce que c'est incompatible, là. Fait que c'est ça. Le but, c'est de l'argent. Puis ce qui se ressemble, se rassemble. J'ai fini par le voir clairement. S'il n'y a pas juste une affaire d'ego, là. Il y a d'autres choses. Mais moi, Nassim Haramein, avoir les pleins pouvoirs, lui, il ne rentre pas sur le territoire 5 000 aux arrêts. Puis être interrogé longuement. Longuement. Pourquoi? Parce qu'on a le devoir de protéger le peuple qui est trop naïf, quelque part. Puis c'est pas parce que le monde est innocent. Dans le sens, pas parce que les gens sont imbéciles. Au contraire. Mais il reste que on n'a pas de discernement. On n'a pas de discernement. Puis c'est une affaire de mode puis de ce qui pogne. C'est tout le temps vers ça que certaines personnes que maintenant je considère comme des opportunistes, c'est des vendeurs, c'est du marketing, là. C'est ça que c'est. Parce que ça ne marche pas. Puis c'est comme les chambres à tachyon. Ouais, ça peut marcher par autosuggestion et un niveau placebo, mais si quelqu'un qui comprend ces principes-là, il va pas s'encombrer d'un support aussi encombrant. Voyons. Puis il va pas dépenser 900 € pour une roche dans un morceau de métal qui vaut rien, qui vaut absolument rien. Puis quelqu'un qui a une éthique réellement, ben il va pas s'acoquiner avec un individu comme ça. Impossible. Mais peut-être qu'il est sincère, puis qu'il y croit. Mais ben franchement, j'ai la conviction que non. J'ai la conviction que non. Puis que c'est une affaire d'opportunisme au fond. Là, je me suis fait barrer du clavardoir. Pourtant, j'ai rien dit de grave, là. Mais moi, quand je bois quelqu'un, d'habitude, j'ai dit pourquoi. J'ai dit pourquoi. Ben, il n'y a pas à me dire pourquoi, les modérateurs, je le sais pourquoi. Puis ils savent, je le sais pourquoi. Pourquoi? Parce que vous êtes des astites crosseurs, dans le fond, puis vous êtes malhonnêtes, puis vous êtes là à vouloir mettre dans la tête du monde de se crisser à genoux devant des petits gris qui enlèvent des enfants pour les dépuceler. Ça, c'est l'histoire de M. Glenn. C'est lui qui raconte ça. Puis les Français, l'autre bord, les Européens, les Belges, les Suisses sont peut-être pas au courant de toute l'histoire de M. Glenn. La justice est publique au Canada. La justice est publique au Canada. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, ça ressemble à des. Comment je pourrais dire ça? Ça ressemble à un repère de malfaiteurs à un moment donné. Là, je parle pas monsieur Riopelle puis l'autre le monsieur européen que je connais pas, mais il reste là. Moi, je suis pas surpris de voir Glenn faire la promotion de Nassim Haramein. Parce que ça veut dire qu'il y a une convergence d'intérêts. Ça veut dire qu'il y a une convergence d'intérêts. Puis je lisais le clavardoire, puis Christ que je suis content. J'ai tellement un public brillant. J'aime autant avoir pas grand monde, mais ils sont brillants. Que ce que je lis là, ce que je lis là, que je lis ça, puis ouais. Je viens enragé. Pas enragé selon la définition habituelle, j'ai enragé capable de sourire en même temps. Mais je viens enragé pareil. Je viens enrager pareil, j'en reviens pas comment le monde est naïf, comment le monde est. Ça fait dur, ben franchement. C'est ça que je voulais dire. Nassim Haramein. Qui est le nouveau Einstein. Je suis d'accord, dans le sens, c'est un imposteur, dans quelque part, si on dit ça. Puis ses adeptes, c'est incroyable, les réactions agressives qu'ils ont. Hein? Qui donne encore raison à Gustave Le Bon. C'est comme du fanatisme religieux. Hein? Pour ça, Glenn, il recevra peut-être jamais. D'après moi, il recevra jamais Élisabeth de Caligny. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth de Caligny, les petits gris, c'est pas ses amis. Donc, bon. Mais là, c'est parce que c'est des hosties de bébites, c'est tout. Je veux dire, faut qu'on se mette à genoux devant des cochonneries dans des corps synthétiques, des anges déchus. Pis... Non, non, on n'est pas censé se mettre à genoux devant à rien. À rien. Dès que vous vous mettez à genoux, c'est de l'idolâtrie, ça s'appelle. Peu importe devant quoi. Peu importe devant quoi. Même ceux qui se plient en deux devant le mur de Salomon, ils se mettent pas à genoux. À un moment donné, là. C'est quoi ça? C'est comme ceux qui font la promotion de la mise à terre. La mise à terre. C'est quoi? Pourquoi vous pensez qu'il y a des qu'il faut se mettre à genoux? Il fallait que le sol des temples soit en terre battue. Puis... Pourquoi dans le judaïsme, les bébés devaient venir au monde dans des espèces de piscines pour pas qu'ils touchent le sol, le bébé, ou qu'ils soient en contact avec un objet qui touche le sol? Êtes-vous ignorant à ce point-là? On va donner le bénéfice du doute, mais moi je commence à penser que non, c'est sciemment. Sciemment. Vous servez ce qu'il y a de pire. En tout cas, je veux dire, le contact, c'est pas avec des petits gris, là. Mais on va avoir affaire à ça, ça ne sera pas long, le premier contact. C'est mieux d'avoir la capacité de me paralyser parce que le premier contact, il sera pas le fun. Pourquoi? Parce que je suis belliqueux. On a été conditionnés à être passifs, à être des imbéciles. Puis à cause de ça, comme je disais, peut-être qu'il va falloir faire la guerre à la place de la majorité. Parce que ils n'auront pas la capacité. Le monde là, qui se sont nourris pendant... deux décennies de « faites l'amour, pas la guerre » puis des hosties de niaiseries, de fuite de la réalité, tant qu'à moi. Et c'est bon, rien ça, on fera jamais rien avec ça. C'est pas eux autres qui vont combattre, là. Au contraire, eux autres, ils vont collaborer. On l'a-tu assez vu que cette province-là, c'est une gang de petits collabos gestapistes apeurés? On l'a pas assez vu? Ben là, c'est parce qu'il y en a, ils vont collaborer. Imaginez, sont impressionnés par des parvenus puis des arrivistes en habit-cravate. Imaginez comment ils seraient impressionnés devant des créatures qui surpassent même l'humain au niveau de leur capacité. Imaginez comment est-ce qu'ils vont collaborer à 100 000 à l'heure. Ils ont déjà les genoux à terre. Moi, ça ne marchera pas de même. Puis c'est pas vrai ça que... Bon, en tout cas, moi j'ai décidé que... À un moment donné, j'ai décidé que je me mêle pas de ça. Parce que je me disais, bon, ben... C'est de l'acharnement. Alors, si vous servez ce qui s'acharne sur nous autres, je vais venir malin. Nassim Haramein, tant qu'à moi, c'est un criminel, là. Vendre divan, c'était un crime. Hein? Ça s'appelle arnaquer, charlatanisme. On va dire que ça suffit. Mais ben franchement, je regarde ça, c'est décourageant. C'est décourageant. Tellement que des fois, je me dis, c'est peut-être vrai qu'il y a trop de monde. T'sais, je veux dire, je vous dis ça, c'est pas sérieux, là. Mais il reste que des fois, quand on regarde ça, on se dit, ben coudonc. Je veux dire, ils sont en ligne pour l'abattoir, puis ils sont contents. sont contents de ça. Ils lichent les mains de leur bourreau. Je veux dire, les mains sont pas encore là, puis ont la langue sortie, là. Langue de même depuis des décennies. Ça marchera pas de même pour tout le monde, là. Pas tout le monde qui va. Il y a du monde belliqueux qui ont la qualité d'être belliqueux. Il y en a encore. Il y en a encore. Parce que des fois, ça a été ajusté d'être belliqueux. Bonne soirée.